Mosaïque. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous captez. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Le 7 novembre de chaque année, l'Afrique célèbre la journée panafricaine de l'information. L'occasion pour le continent d'évaluer l'accès à l'information dans divers pays. Aujourd'hui, l'information occupe une place importante dans la vie des nations. Les médias qui sont les canaux privilégiés pour la traiter et la partager pour le bien du public sont devenus des outils à réguler pour éviter que la désinformation soit nuisible pour mille et une raisons. Traditionnellement, la liberté de la presse est reconnue dans plusieurs pays, dont le Burundi. Cependant, la crise politique de 2015 a renforcé l'idée de la régulation des médias où certains ont été même accusés d'être politisés. Aujourd'hui, certains médias sont fermés, d'autres suspendus. Une situation qui maintient un débat sur la liberté de la presse au Burundi. Dans l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous reviendrons sur l'état des lieux de la liberté de la presse au Burundi et la responsabilité des journalistes dans leur travail quotidien. Pouvons-nous dire que la presse libre existe au Burundi? À quels défis font face les journalistes dans la poursuite de leur mission? Que faire pour avoir une presse libre et responsable au Burundi? Pour en parler dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes avec trois invités dans notre studio. Nous accueillons Jérôme Ndikuriyo, directeur général de la communication et des médias. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour. Nous accueillons également Leandre Sikuyavuga, vice-président de l'Observatoire de la presse au Burundi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de l'invitation. Nous sommes également avec Madame Agnès Nindolela, présidente de l'Association des femmes journalistes au Burundi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de m'avoir invité. Nous avons attendu un représentant du Conseil national de la communication à la dernière minute. Un des responsables s'est excusé pour cette émission Mosaïque. Jérôme Niyonzima assure la réalisation, Séraphine Akizimana assure la technique, Pacifique Chubahiro à l'animation de Mosaïque. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Jérôme Ndikuriyo, vous représentez le gouvernement dans le secteur de la communication. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on parler qu'il y a liberté de la presse et que c'est une réalité au Burundi? Pour le moment où nous parlons, j'estime, ou nous estimons que la presse est libre. La presse est libre pour certaines raisons. Nous sommes ici où nous sommes en train d'échanger sur la liberté de la presse. Mais cette liberté de presse doit s'exercer au nom de la loi. Il y a une loi qui régit la presse. Il y a la déontologie où les journalistes se sont convenus sur la méthodologie ou comment vont travailler. Donc, on peut affirmer que la presse est libre, avoir les instruments qui garantissent cette liberté. Même la constitution de la République du Burundi garantit cette liberté. Voilà un peu. Mais si la liberté de la presse est garantie, pensez-vous qu'au Burundi, la presse est responsable? La presse est responsable. Mais on peut dire qu'un ou deux moments, il arrive où les journalistes ou une des presses peut avoir des difficultés dans la réalisation de leur mission. Pour dire par rapport à la responsabilité, c'est l'existence même de la loi, c'est l'existence des instruments juridiques pour une certaine qu'il y ait la régulation. Mais aussi, il y a aussi des organes, notamment l'OPB, qui est là aussi pour l'autorégulation. Donc, ça, ce sont des instruments juridiques, ce sont des canaux qui aident à rectifier s'il y a des moments où la presse n'est pas responsable. Mais dans quelle situation avez-vous évaluer une certaine irresponsabilité, entre guillemets, des journalistes. Pensez-vous que dans certaines situations, il y a vraiment une irresponsabilité un peu diluée de la part de la presse burundaise? On ne peut pas parler d'une certaine irresponsabilité, ça c'est trop fort, mais il arrive des moments où on peut trébucher. Donc non pas par volonté, on peut le dire qu'ils le font non pas par volonté. Si on le fait par volonté, on peut parler d'irresponsabilité. Mais s'il arrive des moments où on peut ne pas être en conformité avec la loi, c'est pas de l'irresponsabilité. Sachez que les gens peuvent se tromper. Merci. Je passe la parole à Léandre Sukuya Vuga. Vous êtes vice-président de l'Observatoire de la presse au Burundi. Lorsque, au niveau du gouvernement, on parle qu'il y a la liberté de la presse, mais également qu'on constate une responsabilité au niveau de la presse, et qu'aujourd'hui, certains médias sont fermés, d'autres suspendus. Au niveau de l'OPEB, avez-vous la même façon de voir la presse burundaise aujourd'hui? D'abord, je suis ravi d'entendre que la presse burundaise est responsable. Ça, quand même, c'est un point positif. Et quand la liberté de la presse au niveau des papiers, au niveau des textes, la presse est libre, mais sur terrain, on peut trouver qu'il y a des embûches. Pourquoi? D'abord, je dirais, le problème maintenant qu'il y a, c'est la rétention de l'information de la part des officiels. Normalement, un journaliste, il est là pour transmettre, pour couvrir des événements, pour donner l'information qu'il a obtenue de la part de quelqu'un qui en a la responsabilité, l'autorité de la transmettre. Et là, ce n'est pas le cas. Parce que pour le moment, on voit certains officiels qui ne veulent pas donner une information alors que normalement, c'est leur mission. Parce que le journaliste ne peut pas inventer. Comme conséquence, on voit que maintenant, dans le traitement de l'information, il y a un certain déséquilibre. Parce que justement, l'autorité était là pour donner sa voix, pour éclairer le public. Alors ça, c'est une faille au niveau de la liberté de la presse. Donc, s'il y a un peu un déséquilibre au niveau du traitement de l'information, c'est qu'il ne faut pas imputer cette responsabilité seulement aux journalistes. C'est ça. Parce que normalement, si le journaliste, dans chaque médium, il y a le code d'éthique et de déontologie professionnelle. Alors, quand il y a quelqu'un qui est pointé du doigt, que ce soit quelqu'un de physique, quel que soit un membre d'une institution donnée, le journaliste est obligé de le contacter pour que quand même il s'exprime. Mais une fois qu'il ne s'exprime pas, vous comprenez bien que l'information sera déséquilibrée. Et là, quand même, ça entrave la qualité de l'information. Pour accéder justement aux sources, à part les sources administratives, est-ce que sur terrain, pour rencontrer la population, c'est encore facile pour les journalistes au Burundi? J'allais également y revenir. Normalement, c'est le journaliste, si son médium est agréé, il est dans l'obligation, il est dans le devoir de travailler sur tout le territoire. Mais enfin, il y a certains administratifs qui exige d'abord qu'il y ait une lettre demandant justement qu'on travaille dans sa commune, dans sa province. Alors là, normalement, ça devient une difficulté parce qu'en certain moment, on va enquêter sur cette autorité même qui demande ça. Donc au niveau du terrain, bon voilà, il y a ce problème. Mais alors, on pense qu'avec le temps, on va faire recours à l'organe de régulation pour que quand même on puisse corriger de ce côté-là. Mais justement, on entend souvent le travail du Conseil national de la communication, alors qu'il y a à l'OPB, donc cet observatoire de la presse au Burundi. Est-ce que finalement vous existez encore? Alors, dire qu'on existe, bon voilà. D'abord, l'OPB, l'observatoire de la presse burundaise, c'est un tribunal des pairs. Là, on est là pour amener les journalistes. C'est entre journalistes, voilà, pour se donner mutuellement des conseils. Exactement. Mmh. Alors, nous, on a pas de pouvoir de coercition. Nous, on donne des conseils. Alors, si on donne des conseils, il y en a qui les acceptent et d'autres, bon, ça dépend de la ligne de chaque média. Mais nous, on fait ce que l'on peut parce qu'on est là pour conseiller, pour amener les médias, les journalistes à respecter le code d'éthique et de déontologie de la profession. Et vous parvenez à le faire aujourd'hui, surtout avec la crise de 2015? C'est très difficile parce que, bon, voilà, et pour certains, ce n'est pas leur préoccupation. Et pour d'autres, dit voilà, vous nous conseillez en tant qu'équipe. Et si vous conseillez quelqu'un, il n'est pas tenu d'appliquer ce que vous lui dites. Donc, voilà, on est là, on conseille. Et ceux qui le veulent, ils suivent nos conseils. Ceux qui ne veulent pas, bon, on n'a pas de chicote pour les infliger, voilà. Merci, Madame Agnès. Au niveau de la AFJO, l'Association des femmes journalistes au Burundi, Léandre affirme que la liberté est sur papier, mais que dans la pratique, c'est discutable. Quel est votre avis par rapport à la liberté de la presse au Burundi? Je voudrais d'abord revenir sur le fait que le directeur général de la communication et affirmer que cette liberté de la presse existe en prenant comme argument la loi sur la presse, la constitution. Mais la constitution proclame la liberté. Et ça, c'est partout dans tous les pays. Mais le fait qu'elle soit proclamée ne dit pas, comme le disait Léandre, qu'elle est vécue pleinement par les journalistes. Vous avez parlé d'information, qui est quelque chose d'important dans la vie des gens et dans la vie d'un pays. Si le journaliste n'est pas libre d'aller lui-même accéder à l'information, si lui-même ne peut pas enquêter sur un sujet important pour pouvoir traiter l'information et la transmettre à son public, est-ce qu'on peut dire que la liberté de la presse est garantie? Et puis, la liberté de la presse va de pair avec la liberté d'opinion. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui doivent être réunis pour qu'on puisse parler de liberté de la presse. La deuxième chose, l'accès sur terrain, l'information. Le DG est ici, il le sait. Il y a eu des constats. Lui, il parlait des administratifs. Mais il y a eu des constats qu'il y a des administratifs qui empêchent aux journalistes de faire leur travail sur terrain. Pourquoi? Parce que parfois, ils sont ignorants que la loi leur permette réellement d'avoir accès sur tout le territoire du Burundi et d'aller pouvoir enquêter sur tout sujet, parce qu'on dit que pour les journalistes, il n'y a pas de sujet tabou. Mais même au niveau des... Et là, c'est pour revenir à la crise de 2015. J'ai comme l'impression, quand même, la liberté qui était proclamée par la Constitution et qui se trouvait dans la loi, elle a été, brimée d'une certaine manière, dans la mesure où il y a certaines questions où on a interdit les journalistes de les traiter. Je parle, par exemple, des questions de sécurité. Pourtant, tout le monde sait que la sécurité est quelque chose de très important dans la vie d'un homme, dans la vie de tous les citoyens. La deuxième... Mais lorsque certains accusent certains médias burundais qu'ils sont politisés, en tant que professionnel de médias, quel est votre avis par rapport à ça? Politiser, je ne sais pas, mais peut-être des journalistes militants pour des raisons multiples. Cela devrait peut-être aller dans les rédactions des organes d'expression des partis pour lesquels ils militent. Mais ils ne devraient pas se retrouver dans un médium qui se dit privé et professionnel. Ils ne devraient pas non plus se trouver dans les médias publics, que sont la radio, télévision nationale, au niveau. Tous les organes de presse qui sont financés par le contribuable burundais devraient donner une information plurielle, une information qui reflète toutes les opinions qui se trouvent dans le public burundais. Parce que si monsieur est de l'UPRONA, il ne pense pas à la même chose qu'un autre du FNL. Il ne pense pas nécessairement à la même chose que quelqu'un du CNDD-FDD. Donc, quand un journaliste travaille professionnellement, il faut que toutes ses facettes transparaissent dans l'information qu'il distille, parce qu'il sert un public qui est aussi composé de toutes ces différentes tendances. À force de chercher une liberté, on oublie quelquefois que le journaliste a une certaine responsabilité par rapport à la société, surtout par rapport à l'information qu'il livre aujourd'hui, qui est à des lieux de cette responsabilité des journalistes au Burundi. C'est une question un peu délicate. Comme le disait Léandre, il y a un tribunal des pairs. L'Union burundaise des journalistes n'existait plus. Le PEB lui-même, je crois qu'il a un peu été perturbé par la crise de 2015, parce qu'il y a des journalistes, vous savez, ou des responsables des organisations, des médias qui ne sont pas dans le pays. Des questions liées au fait qu'il n'y a plus d'encadrement de journalistes. L'école de journalisme a été fermée il y a longtemps et devait être remplacée. Elle n'a pas été remplacée. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des écoles de communication, mais vous savez, la communication et l'information, c'est vrai, c'est dans le même ensemble. Mais le journaliste sait qu'il ne peut pas donner une information tronquée. Il sait qu'il ne peut pas prendre position. Et là où peut-être on a eu quelques difficultés avec la crise de 2015, on a vu des journalistes qui n'ont pas pu se distancier de l'opposition, se distancier des manifestants qui contestaient le troisième mandat. Ils pouvaient dire la vérité sans pour autant, comment dirais-je, se fusionner avec ces deux corps. Et là, je pense que ça tient aussi d'un peu de militantisme, mais que ça tient peut-être aussi de l'ignorance et du manque d'encadrement professionnel. Merci. Au niveau du gouvernement, si les journalistes eux-mêmes trouvent qu'il y a certaines lacunes, notamment l'ignorance et le militantisme, à votre niveau, quels sont d'autres défis auxquels font face les journalistes pour exercer librement au Burundi? Si vous permettez, peut-être... Une petite réaction par rapport... Une petite réaction par rapport aux commentaires... Docher, collègues ici, Agnès et Alejandro. Les deux à la fois. Les deux à la fois. Peut-être aussi pour insister sur la liberté de la presse. Disait que dans la loi, c'est son manifeste. Mais réellement, ça ne se manifeste pas au niveau des faits. Revenons d'abord sur le principe. Pour qu'une presse soit libre, il faut qu'elle existe. Il faut que la presse existe. Si je donne les chiffres par rapport, on est à 122 de la presse, 122. Imaginez 122 médias. La presse écrite, non, la radio, la télévision, la presse écrite et la presse en ligne. Donc, je les considère tous comme des médias. Parce qu'il y a la presse écrite, la presse en ligne, il y a la radio, il y a aussi la télévision. Donc là, on est à 122. La loi a permis la naissance. Quand l'enfant est né, il faut qu'il y ait cette liberté. Je donne aussi un autre exemple. Il faut relativiser. Quand on dit qu'il y a la rétention de l'information, il faut relativiser. Il y a des cas isolés, mais qui ne devraient pas être des principes ou qui ne devraient pas servir d'exemple. Ce sont des cas isolés. Ils ont dit aussi qu'il y a certains administratifs qui ignorent que la presse libre doit travailler convenablement. À ce défi, ils sont témoins, les responsables des médias. On organise souvent des réunions avec les administratifs, avec les gouverneurs, avec les administrateurs de communes, avec les journalistes. C'est à ce moment qu'ils discutent sur ces questions, qu'ils font un débat quand même constructif par rapport à cette rétention de l'information. Mais par rapport à la crise de 2015, il y a eu quand même une certaine crise de confiance entre journalistes et les sources administratives. Est-ce que nous pensez-vous que la crise de 2015 a eu un effet domino sur cette relation de confiance qui devrait guider les journalistes et les sources d'information dans l'administration? Bon, c'est un fait qui est là, qu'on ne peut pas ignorer, mais quand même, à cette étape, on était au bon fixe par rapport à la rétention de l'information, mais quand même, ça a un impact négatif, mais quand même, on se cherche toujours. Et j'espère qu'on peut affirmer à 90% par rapport aux bonnes relations entre la presse et les détenteurs de l'information. Quand on parle de détenteurs de l'information, on a l'impression, les gens disent le ministre, le gouverneur de province, mais ce n'est pas seulement là qui détient l'information. Ça peut être un citoyen. Ça peut être aussi un citoyen. C'est là où on continue à faire des sensibilisations pour quand même faire comprendre que l'information est nécessaire. Revenons aussi sur, tu parles de la question de nos journalistes. La tendance est aujourd'hui à 90% des questions politiques. Des questions politiques, au niveau des thématiques, c'est aussi restreint. Mais au niveau aussi de l'équilibre régional, on n'a que des informations, surtout de la capitale ou de centres urbains. Là, on est conscient que ça peut aussi être lié par rapport aux moyens d'arriver dans les coins du pays. Mais ils peuvent aussi travailler en synergie, en mutualisant peut-être les équipements. Et peuvent faire même des travaux ensemble pour aller plus loin. Je donne un exemple. Quand vous dites que... on ne laisse pas passer l'idée de l'IPRONA, on ne laisse pas passer l'idée du CNDE, du FNR, et on se limite là. J'ai l'impression qu'on se limite là. Est-ce qu'en principe, le journalisme devrait être une école de la population pour la production, pour la cohabitation? Tout ça sont des défis qu'on est au courant par rapport. Il y a Agnès qui disait à l'école du journalisme. Là, ça a aussi un impact. Vous sortez en tant que communautaire et vous vous dites que vous êtes journaliste. Ayons l'espoir. J'ai l'impression, et selon les démarches qu'on est en train de faire, on pourra avoir l'école du journalisme bientôt avec une année académique qui va commencer, je crois, 2018-2019. Je pense qu'on va avoir cette école pas plus tard qu'au mois de mars 2019. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et là, ça a traîné parce qu'on a voulu faire effectivement une école du journalisme. Pas des facultés, comme on le dit, les facultés de communication. Donc là, il faut avoir de l'espoir par rapport à la formation. Mais également aussi, en attendant cette formation qualifiante, il y a la maison de presse. Il y a la maison de la presse qui aide dans la formation, surtout thématique. Insistons sur la formation thématique. Parce qu'un journaliste se réveille aujourd'hui, il se dit qu'il doit traiter un sujet de l'économie. Il se lève aujourd'hui, il dit qu'il va traiter un sujet. Donc, on n'a pas vraiment des journalistes qui font la thématique. Ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, c'est par rapport à l'investigation. Il monte un dossier et après, il vous dit... on va continuer le dossier. Et après 2 ou 3 mois, ils arrêtent. On ne termine pas. Donc, il y a aussi cette question de suspense par rapport à un sujet donné. Quand vous levez une question et que vous ne clôturez pas la question, là aussi, les gens commencent à douter de cette information. Tout ça, c'est dans le registre des défis. Des défis. Mais il y a entre-temps une nouvelle loi qui vient d'être promulguée pour cette année 2018. Apparemment, une loi de la presse qui est presque changeante à quelques périodes près et qui correspond des fois à des crises précises. Pensez-vous que cette loi, par exemple, vient améliorer le cadre légal de la presse au Burundi? Non, il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas se le cacher, cette question a été évoquée et a été même expliquée lors de cette loi au niveau du processus pour l'amendement. La principale question, c'était par rapport à l'intégration, comment délivrer la carte de journalisme. C'est ça la première question. C'est l'innovation principale. Ce n'est pas seulement une innovation, mais c'était aussi pour rendre possible la distribution de la carte. Ça, c'est l'élément qui est venu seulement par rapport à la loi de 2015. Un autre élément, c'était juste pour ajuster avec les questions de l'audiovisuel où on allait embrasser la migration par rapport au contenu. Il y avait la question des cinéastes qui n'était pas là. Il y avait aussi les questions de films qui n'étaient pas là. Ce sont les deux éléments qui ont peut-être, si vous prenez celle de 2015 et que vous prenez celle de 2018, vous allez le constater. C'est ça le seul élément. Et la loi de 2015 était une loi, je dirais, consensuelle, mais aussi qui avait fait un long débat par rapport à certains articles. Mais ces articles qui ont été élagués et on ne les a pas encore mis ça. En quoi cette carte va, par exemple, contribuer en termes de liberté ou de responsabilité des journalistes par rapport à la situation existante? Par rapport à la situation existante, vous avez parlé peut-être des administratifs ignorants qui ne le savent pas sur cette liberté. Il y a des journalistes qui peuvent s'introduire comme journalistes et peut-être lors de leurs reportages font des reportages qui n'honorent pas le métier. Et là, on va dire que ce sont les journalistes. Donc, vous saurez qui est journaliste, qui ne l'est pas, et il y aura peut-être moins de dérapages par rapport à ceux qui sont qualifiés de journalistes, mais qui ne le sont pas. Ça, c'est peut-être un élément qui va aider. Mais aussi, au niveau aussi de l'exercice du métier, vous serez libre n'importe où, que ce soit au pays, même que ce soit aussi à l'étranger. Je parlais des défis, mais quand même, il faut aussi savoir comment surmonter ces défis. On a parlé de la rétention de l'information. On vous a dit les séances de sensibilisation qui sont en train de refaire. Je vous donne aussi un autre exemple, qu'il y a des cadres qui montrent qu'il y a cette liberté. Par exemple, on organise des séances de l'émission publique une fois les 3 mois. Vous pouvez me dire dans quel pays où on fait ça. Il y a le président de la République qui anime lui-même à la fin de l'année une séance, une émission publique où la population pose des questions à leur choix et les journalistes posent même eux aussi les questions. Donc, si vous me donnez un exemple, même dans des États où vous dites que la liberté de presse existe, je peux quand même aussi affirmer ça, que c'est une innovation, mais aussi c'est aussi un moyen de contourner ces obstacles par rapport à la liberté de la presse. Mais l'information est par principe quotidienne. Absolument, oui. Ça, ce sont des cas par rapport à des échéances, mais à tout moment, à chaque minute, vous m'avez appelé, je suis ici, Agnès est là, et d'autres aussi viendront pour répondre à certaines questions. Merci, Iléandre. Sikuya Vuga, en tant que journaliste pratiquant et senior, on a l'impression qu'on envisage plusieurs défis, mais sous des angles différents, l'angle du gouvernement et l'angle du journaliste. Est-ce que pensez-vous, après tout, c'est le gouvernement qui prend des décisions? L'arsenal juridique mis en place contribue à relever les défis des journalistes aujourd'hui? Nous, et comme pratiquants, ces défis, nous les vivons chaque jour. On a parlé tantôt de la rétention de l'information, mais il n'y a pas que ça. Il y a les médias burundais, surtout les médias privés, ils connaissent des problèmes sérieux de moyens. Vous savez, une information, ça se cherche. Lorsque le public conçoit une information, donc un produit fini, c'est comme si c'est facile. Mais à côté de ça, on va la chercher. La chercher, c'est-à-dire, il y a tout un arsenal qui est derrière. Il y a ce journaliste qui doit se déplacer, il y a le chauffeur, il y a le carburant qui est là. De retour du terrain, il doit traiter l'information. Le traiter, si c'est la presse écrite, il y a le papier qui est là, on doit l'imprimer. Donc voilà, ça coûte énormément cher. Donc, mais il y a l'État qui s'est engagé à créer un fonds justement, pour appuyer les médias. Est-ce que vous avez approché le gouvernement pour... J'allais y arriver, c'est une chance qu'on ait avec le directeur général de le ministère en charge de notre profession. Parce que toujours on parle de ce fonds d'aide aux médias, mais jusqu'à présent, on ne voit rien de palpable sur le terrain. Ça fait, je pense, plus de 3 ans. Je pense que le dernier geste, ça date de 2014, comme ça, si j'ai bonne mémoire. Mais vraiment, c'est un problème sérieux. Alors, ça, c'est aussi un autre défi. C'est un point positif que le DG vient de nous annoncer que bientôt, il y aura une école du journalisme. Mais justement, c'est un autre défi. Le défi des ressources humaines. Parce que, oui, avec la crise, il y a des journalistes qui sont partis, il y a d'autres, mais également, le peu de journalistes qu'on a maintenant, il y a des ONG, il y a même des ambassades. Un journaliste compétent, on le détecte et on vient le prendre, etc. Parce qu'ils sont les plus offrants, etc. Donc, pour dire qu'on est toujours en train de former les journalistes, quitte à ce qu'en certain moment, on dit voilà. Le journalisme en Burundi, ça devient en soi une école qui va faire une promotion pour d'autres services. Oui, moi je vous dis, bon voilà, vous avez un journaliste qui se démarque en certain moment, ses services, donc les ONG, les différentes organisations, ils le détectent et en certain moment, voilà, c'est le plus offrant qui le prend. Alors au niveau du terrain, on essaie à côté de ces défis quand même, de les surmonter, de voir dans chaque boîte comment et essayer de donner une information de qualité. Mais quand même, moi, je dirais que je salue même les journalistes parce que malgré ces problèmes de moyens, malgré ce problème d'accès aux sources, malgré ces problèmes de ressources humaines, ils essayent leur possible. Hein, ils essaient de donner au public une info de qualité. Même si quand même, quelquefois, bon, on ne peut pas ne pas le dire. S'il y en a quand même qui vont à côté de l'éthique de leur métier, mais quand même, on essaie de les recadrer pour que quand même, ils essaient de donner une information de qualité, une information vérifiée. J'avais posé la question, est-ce que pensez-vous que la manière dont le gouvernement conçoit les défis des journalistes et qui est concrétisée par des lois, par exemple, qui encadrent son métier, pensez-vous que c'est pour le bénéfice des journalistes? Vous savez, bon, il y a le gouvernement qui est là, il a ses droits, il a ses devoirs, il a sa façon de voir les choses. Mais il y a aussi nous, les pratiquants, qui sommes sur place. Quelquefois, on dit, voilà, il y a une mesure. En certain moment, on se dit, est-ce que vraiment, si on nous avait consulté, si on nous avait concerté, est-ce qu'il y aurait une telle loi? Est-ce qu'il y aurait un tel article? Par exemple, pour la loi actuelle décrétée le 14 septembre 2018, est-ce que les responsables des médias ont été associés pour donner leur contribution de façon expresse? Bon, moi, en ce qui me concerne, franchement, je n'ai pas été consulté. Madame Agnès, la manière dont le gouvernement voudrait aider la presse au Burundi coïncide avec les attentes des pratiquants, de ceux qui pratiquent son métier. Je voudrais d'abord revenir sur ce que disait le DG par rapport à la liberté de la presse. Il a dit que pour que la presse soit libre, il faut qu'elle existe. Et il a donné un chiffre. Plus de 100 médias. Plus de 100 médias. Et lui, il a parlé de problèmes de moyens. Justement, il faut aller voir ces médias si réellement ils peuvent porter le nom de média. Parce qu'un médium, c'est toute une structure. Alors, que l'État aide, je dirais, l'aide de l'État à la presse, parfois c'est une arme à double tranchant. C'est une question qui doit être mûrie et réfléchie. Mais par rapport à cette pauvreté de cette presse qui se chiffre quand même en termes de centaines, c'est là où il faut aussi poser la question en rapport avec les ressources, la qualification et le fait que des gens se présentent comme journalistes alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Et ce manque de ressources qualifiées fait que, même si vous l'engagez à la sortie de l'université, il a besoin d'apprendre tout un tas de choses. Ce qui suppose qu'à l'intérieur du médium, il y a une structure qui encadre la personne jusqu'à ce qu'on dise, voilà, il est vraiment qualifié, on peut l'envoyer sur terrain. Comme on parlait du terrain, je vais enchaîner avec la fameuse question de rétention de l'information, des administratifs qui ne facilitent pas le travail du journaliste, mais en même temps, je vais parler de cette relation qui, pendant un certain moment, a été une relation tendue entre les pouvoirs publics et les médias, mais aussi et avec les journalistes. Il faut analyser la situation et essayer de normaliser cette relation, parce qu'elle ne devrait pas être tendue. Que ce soit le gouvernement ou les autres pouvoirs publics, ils sont là pour rendre service aux citoyens burundais. Et donc, permettre qu'il ait accès à l'information, une information de qualité, une information servie par des journalistes qualifiés et capables et responsables. Il faut qu'on crée des conditions pour que cette presse existe. J'enchaîne avec le principe de redevabilité et d'accessibilité aux sources officielles. Il parlait des émissions publiques. Parfois, je les écoute, c'est des émissions qui sont faites par des porte-parole des ministères ou même à la présidence. Si je dois chercher des informations, par exemple, sur, disons, une politique du gouvernement, disons, la gratuité des soins... Là, ça devient... Il y a peut-être une confusion entre la communication et l'information. J'allais vous dire, si je fais cette information, je cherche à collecter l'information sur cette politique-là, que je vais dans les hôpitaux, ce n'est pas le porte-parole qui a les informations pour me permettre de comprendre les aspects de la problématique. C'est peut-être celui qui s'occupe du nursing à l'hôpital X ou dans le centre de santé Z. C'est peut-être aussi la personne, le bailleur, qui a financé cette politique et qui veut que réellement elle profite. Mais ce n'est pas le porte-parole qui va me donner l'information, mais ce sera peut-être d'autres sources. Et il faut que le journaliste puissent avoir accès à ces sources-là. Et il faut que ces pouvoirs publics comprennent qu'ils sont redevables et que le journaliste les aide à rendre compte à la population. Je posais la question, notamment par exemple, à travers cette nouvelle loi, est-ce que vous pensez que le gouvernement ne ménage rien pour aider ou contribuer positivement au travail de la presse au Burundi? Ah, il disait que l'innovation qui est venue avec la nouvelle loi, c'est la carte de presse. Très bien. Mais cette carte de presse, elle est donnée par qui? Quelles sont les conditions d'octroi de cette carte de presse? D'après ce que j'ai compris, il y a eu une rencontre au cours de laquelle il en a été question. J'étais là. Ce que j'ai compris, c'est que... Mais c'est déjà spécifié pour le moment. Voilà. Mais cette carte de presse, elle aura une validité de 2 ans. Alors que quand vous êtes journaliste, vous l'êtes pour la vie. Donc, on devrait vous permettre de vous donner, d'avoir une carte d'identité à présenter chaque fois qu'il en serait de besoin pour qu'on vous laisse accéder sur tout le territoire du Burundi. Donc, je pense que le renouvellement tous les 2 ans, c'est une entrave à la liberté. C'est ce que je pense. Peut-être vous aurez la réponse avec l'auditeur général. L'émission, c'est Mosaïque. Et dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de débattre autour de la liberté de la presse au Burundi, mais également sur la responsabilité des journalistes dans leur travail quotidien. Dans l'émission Mosaïque, nous sommes avec 3 invités. Nous sommes avec Jérôme Ndikuriyo, directeur général de la communication et des médias, Léandre Sikuyavuga, vice-président de l'Observatoire de la presse au Burundi, et Madame Agnès Nindorera, présidente de l'Association des femmes journalistes du Burundi. On avait souhaité être avec un représentant du Conseil national de la communication qui a décliné l'invitation à la dernière minute pour raison d'empêchement. Nous poursuivons Mosaïque. Monsieur le directeur général Jérôme Ndikuriyo, tantôt on milite pour la liberté de la presse et d'un autre côté on veut la responsabilité des journalistes. Est-ce que pensez-vous qu'on peut avoir un journalisme ou une presse responsable sans un maximum de liberté? Un peu de mots, je peux dire qu'un journaliste qui exerce son métier conformément à la loi, conformément à la déontologie, je pense qu'il exerce son métier en toute liberté, en toute tranquillité. Dans le cas où il y a une contradiction, je l'ai dit que ce sont des cas isolés, et là on trouve une solution à toutes ces questions. Mais avoir ces professionnels des médias, c'est comme si les obstacles sont quasi quotidiens. Si c'est quasi quotidien, faut pas généraliser. J'aime des gens qui donnent des exemples. Si par exemple on disait par mois, on a des difficultés X. Là, on peut trouver des solutions. Mais quand vous généralisez et que vous dites ça ne marche pas, ça ne marche pas, et que vous ne dites pas ça ne marche à Ruigi, ça ne marche pas à tel Chambuzo, jour, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est une question de généralisation. Parce que quand on dit ça ne marche pas lundi à Rutana, ça n'a pas marché, et on trouve une solution. Et toute la semaine, pourra passer, tout le mois pourra passer, mais des années aussi pourraient passer. Mais quand vous généralisez, ça ramène aussi aux gens. Il faut aussi comprendre que nous sommes faits par des émotions. Il y a des gens qui disent, quand vous dites qu'il y a rétention de l'information, même la personne qui livre l'information, minute par minute, il va dire, oh non, c'est général. Ces gens sont injustes par rapport à mes efforts. S'il y a un journaliste qui travaille bien et qu'il y a les gens qui donnent l'information, qui disent les journalistes ne travaillent pas bien, les journalistes ne travaillent pas bien, il faut savoir qu'il est aussi animé par des émotions. Il va se dire, qu'est-ce qu'on me reproche? Donc, dans tous les cas, il faut chaque fois dire avec des exemples, mais aussi éviter ce qu'on peut appeler la globalisation. Si la personne X n'a pas donné l'information, ce n'est pas toutes les personnes. Et vous savez, en matière de la recherche et de l'information, il faut y aller aussi avec, on l'a dit aussi, je crois, à Moulanvia avec les responsables des médias, mais aussi avec des journalistes. On s'est fixé des objectifs et dans les visites au sein du ministère qu'on est en train de faire dans les groupes de presse ou avec les responsables des médias, on arrive à s'entendre sur les actions à mener. C'est un, notamment, des descentes avec les administratifs. Ce sont des réunions de sensibilisation parce que la liberté aussi se cherche. Ça cherche du jour au lendemain. Parce qu'on ne peut pas se dire, nous sommes au stade de la liberté de la presse, on est là, il faut croiser les bras. Ça se cherche toujours. C'est un exercice. C'est un exercice. Si je donne une information aujourd'hui, à moitié, et demain je peux le donner à 100%. Donc, c'est un exercice. Si un journaliste a des difficultés de chercher une information aujourd'hui, demain il peut surmonter ces étapes et arriver à savoir comment chercher l'information. On a vu que cette rétention dépend de deux. Ça dépend de quelqu'un qui donne l'information, qui n'a pas éventuellement confiance au journaliste. Il y a aussi le journaliste qui font des mauvaises approches. Ils ont filmé ça et dit, je donne un exemple. J'aime toujours donner un exemple. Vous recevez un appel d'un journaliste, il ne se présente pas. Il vous dit, monsieur le directeur du commerce, est-ce que nous avons entendu que le carburant a monté? Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons? Il ne s'est pas présenté, il n'a pas dit le médium à qui il travaille, il n'a pas salué la personne. Et là, c'est un exercice qu'il faut aussi chercher. Vous vous présentez, vous pouvez même demander s'il a le temps pour échanger avec vous. Donc ça, on est arrivé à conclure qu'il faut changer aussi la méthodologie, que ça soit et pour les journalistes, mais aussi que ça soit aussi pour les services publics. Parce qu'on est là, non pas pour des raisons personnelles, mais pour des raisons pour servir la population. C'est question de redevabilité. Vous êtes là, non pas parce que vous avez été choisi parmi les autres, parce que vous êtes le meilleur, parce que la chance a souri pour vous. Donc, il faut se donner pour œuvrer pour l'amélioration de la santé de la population. Voilà un peu de mots par rapport à cette question de rétention de l'information. C'est une question, je ne peux pas dire qui a été, disons, terminée, mais c'est une question qu'on a abordée sans fanfouilla. On a constaté les faiblesses des deux côtés et on a trouvé aussi des stratégies pour améliorer, pour question de redevabilité. Voilà un peu de mots par rapport à cette question. Léandre Sikuyavuga, on demande aux journalistes d'être responsables et vous réclamez la liberté. Pensez-vous que les deux, c'est une sorte de vase communicant? À côté de ces textes de loi, la loi sur la presse, la conseil, etc., chaque organe de presse est régi par son propre règlement d'ordre intérieur, par ses statuts, etc. Mais qui ne viole pas une loi générale. Exactement, qui ne viole pas une loi générale. C'est-à-dire que normalement, on doit se conformer à cette loi. Dit qu'un journaliste ne sait pas comment demander une information, moi je pense quand même que ça c'est le minimum. Quand un journaliste, donc même les stagiaires, la première chose qu'on leur dit, voilà, si vous voulez avoir une information, il faut vous comporter comme ça. Il faut poser la question de cette façon. Moi, je pense quand même... Ce sont des règles générales de civilité. Oui. Alors, moi, je pense quand même, c'est bien. C'est bien qu'on ait cette conscience de la part de ces officiels, quand même qu'il y en a qui ne veulent pas, ou bien qui ne sont pas disposés à donner de l'information. Alors, normalement, ça ne devrait pas même être une difficulté, parce qu'ils sont là pour ça, pour éclairer le public, pour éclairer la population. Alors, comme le directeur général vient de le dire, c'est très bien. On espère quand même qu'il y aura quand même des injonctions de la part, bon, voilà, de quelque part, pour que ces officiels sachent qu'ils sont là pour éclairer le public, pour éclairer l'opinion. Quant à la responsabilisation des journalistes, je crois que c'est un rôle, c'est un devoir de chaque responsable dans les médias de donner des injonctions aux journalistes de la façon d'approcher les autorités, d'approcher même le citoyen lambda pour que quand même il ait cette information. Et là, on ne le dira jamais assez, c'est à nous, les responsables, d'inculquer à nos jeunes journalistes de cette manière et de cette civilité pour que quand même on puisse avoir accès facilement à ces informations. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moment où vous avez manqué une personne, une ressource au niveau de l'administration pour s'exprimer sur une question X? C'est pas la première, c'est pas seulement une fois. Bon, c'est, vous savez, moi je donne un exemple. Le DG dit, voilà, il aime des cas concrets. Il y a un groupe WhatsApp des porte-paroles de différentes institutions. OK? Mais à un certain moment, un administrateur de cette... De son groupe, selon, je ne sais pas, les difficultés qu'il a avec un médium, avec tel ou tel journaliste, en cet moment, donc, vous êtes supprimé de la liste. Okay? Alors, dans ce cas, on se demande s'il a joué son rôle. Parce que le rôle, normalement, ça devait être le rôle de l'organe régulateur du CNC. Parce que c'est le CNC, normalement, qui devrait nous contrôler au quotidien. Mais au départ, c'était une initiative privée, mais quand même qui était saluée par les journalistes. Justement, c'était salué par tous les journalistes. Mais pourquoi cette exception? C'est pas dans son devoir de dire, voilà, toi tu vas rester, toi tu ne vas pas rester. Non, s'il a créé ce groupe, c'est pour un échange. Peut-être une question que j'aurais posée. Non, peut-être par rapport à cette question, c'est ce que j'ai dit. Entre le pouvoir public et les médias ou les responsables des médias, il faut un dialogue. Il faut insister sur ce dialogue. La question a été posée à Mouranvia et une solution a été trouvée. L'un ou l'autre a peut-être compris ce qu'il devrait faire. Donc, c'est ça qu'on conseille toujours. Chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'un problème est posé, il faut se mettre ensemble et trouver des solutions. Donc, c'est juste un ajout par rapport Mais à ça. J'avais une autre question par rapport à la préoccupation de M. Léandre. Est-ce qu'au niveau de l'administration, il n'y aurait pas des personnes qui ont perdu le micro du fait du contexte politique dans lequel on se trouve aujourd'hui? Parce qu'apparemment, c'est comme s'il y aurait un jeu de ping-pong quand on cherche une information de la part de tel vous renvoie à telle personne, tel. Et finalement, c'est la question finie que j'ai posée à M. Léandre. Est-ce qu'il ne vous arrive pas de manquer une personne dans une administration pour répondre à une préoccupation du journaliste? Je ne pense pas. Si ça arrive, c'est peut-être des cas isolés. Parce qu'en principe, comme on l'a dit, c'est question de redevabilité. Vous êtes là pour ça. La personne qui le fait, éventuellement, qui n'est pas à sa place. J'imagine, il n'est pas à sa place. Parce que quand il est là pour trouver des solutions par rapport aux problèmes posés. Mais pour un journaliste qui éprouve ces difficultés, sur quel organe peut-il se confier? Il peut se confier au CNC, mais aussi au ministère de la Communication. Merci. Agnès, apparemment, vous êtes surpris. Vous êtes surprise de la réponse. C'est comme si vous n'êtes pas convaincue. Non, je ne suis pas du tout surprise. La relation tendue entre les pouvoirs publics, on en a parlé. La redevabilité et la responsabilité des journalistes, on en a parlé. La liberté telle que proclamée, on en a parlé. Mais Je voudrais saluer les initiatives. Il parle de Morandia. Je pourrais ajouter Gitega aussi. En fait, ce sont des initiatives qui vont dans le sens d'essayer de rapprocher les deux camps pour qu'il y ait un dialogue sincère et une compréhension mutuelle. Parce qu'il y a des incompréhensions, il y a des agents des pouvoirs publics qui ne comprennent vraiment pas le rôle du journaliste dans la société et qui prennent le journaliste comme, je ne sais pas, un membre de l'opposition. C'est vrai par essence, parce que la presse ne va pas seulement encenser un pouvoir, elle va aussi parler des choses qui ne vont pas. Et par essence, on peut la situer, si vous voulez, du côté de l'opposition, mais elle n'est pas dans l'opposition. Elle est là justement pour servir la société, comme il disait, et tous les responsables. Ils sont redevables envers le citoyen burundais. Et ils devraient normalement répondre aux questions des journalistes sans avoir peur. Maintenant, vous dites, le contexte peut amener les gens à avoir peur. Et à ne pas s'exprimer. Alors que c'était les personnes autorisées à... Il répond en disant que cette personne ne serait pas à sa place. Je pense que l'idée est à creuser, aller en profondeur. Mais c'est à cela que va servir certainement ces initiatives qui cherchent à rapprocher les pouvoirs publics et les médias. Mais comme il a dit Léandre, par rapport à la responsabilité et à la critique qu'il a faite quant à l'approche de certains journalistes, on l'a dit, on va le répéter, il y a aujourd'hui des gens qui passent pour des journalistes alors que vraiment ils n'ont rien de journaliste, ni dans le comportement, ni dans les connaissances, ni dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Et, qui malheureusement, j'allais le dire, évolue à l'intérieur de certains médias, mais des médias qui ont des moyens limités, qui ne peuvent pas disponibiliser des ressources qualifiées pour l'encadrement des journalistes. Qu'on recrute, à l'absence de l'école de journalisme, qu'on recrute quelqu'un qui sort d'une faculté X, c'est bien, mais à ce moment-là, vous l'encadrez pour l'envoyer sur terrain une fois qu'il a vraiment tout ce qu'il faut comme outils et connaissances pour pouvoir faire son travail de manière professionnelle et très responsable. Justement, du moment que vous saluez certaines initiatives, nous sommes d'ailleurs vers la fin de Mosaïque. Qu'est-ce qu'il faudrait faire davantage pour avoir à la fois une presse libre et en même temps responsable au Burundi? Je reviens sur l'idée, c'est lui-même qui nous a informé ici que l'école de journalisme pourrait ouvrir pour l'année académique 2018-2019. C'est une très bonne chose. Et il faudrait partir de là pour créer une nouvelle génération de journalistes qualifiés et professionnels, mais aussi qui, selon les contextes, se comportent de façon responsable. Selon les contextes, le Burundi, c'est un pays qui est souvent sujet à des crises politiques. En cette situation, un journaliste doit être non seulement qualifié et professionnel, mais aussi être responsable pour ne pas attiser. À ce moment-là, une école de journalisme est une bonne chose. Il a parlé de la Maison de la Presse, où on fait aussi des formations. Mais il y a aussi les médias, ceux qui ont les moyens, devraient pouvoir encadrer leurs journalistes. Il y a à l'intérieur des médias des structures. Il n'y a pas un journaliste qui va sur terrain sans avoir discuté de son sujet en conférence de rédaction. Et c'est à ce moment-là où les collègues et les responsables l'aident à approcher le sujet ou la thématique de la manière la plus responsable possible. Mais peut-être aussi la garantie de la sécurité. Oui, la sécurité, c'est évidemment une question fondamentale pour le journaliste. Mais encore une fois, c'est l'État qui a la responsabilité de garantir la sécurité du journaliste, non seulement parce qu'il est citoyen, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui joue un rôle très important pour la société, celui d'aider les pouvoirs publics à rendre compte, la fameuse redevabilité. Merci, Léandre Sikuyavuga. Qu'est-ce que vous souhaitez pour que nous puissions avoir une presse de plus en plus libre et responsable au Burundi? D'abord, il faut qu'il y ait cette conscience au niveau des rédactions, comme quoi il faut donner au public une information de qualité. Là, il faut que des journalistes seniors ou les responsables des médias toujours donnent des conseils aux nouveaux journalistes pour que quand même ils aient cette conscience de toujours viser le professionnalisme, de toujours viser l'excellence. Ça, d'abord, c'est au niveau des médias. Alors, avec les pouvoirs publics, je salue d'abord certaines initiatives, notamment ces rencontres d'échange entre les pouvoirs publics et les médias. Mais il faut quand même que ça ne soit pas une fois le trimestre, une fois l'année. Il faut quand même qu'il y ait des échanges réguliers. Et dans ces échanges, il faut qu'il y ait une écoute attentive de deux côtés. Parce que l'un veut se justifier de son côté et l'autre dit, voilà, c'est moi qui ai raison, l'autre a toujours tort. Monsieur Jérôme, il y a un aspect de financier qui a été évoqué, notamment avec l'appui aux médias. Pour avoir une presse libre et responsable au Burundi, qu'est-ce que vous suggérez aux journalistes? En quoi vous vous engagez au niveau du gouvernement? Nous avons deux grands chantiers. Je vais y revenir, Agnès l'a dit. Il faut une école de journalisme, mais ça, c'est peut-être un grand chantier pour le ministère. Nous avons déjà engagé des procédures, même aussi des lobbies et des plaidoyers. C'est déjà un acquis. Il y a aussi peut-être le fonds des deux médias qui est aussi un chantier pour le ministère, qui doit être une réalité. On avait commencé jusqu'en 2016, mais avec des difficultés. On va essayer de surmonter pour rendre effectif ce fonds des deux médias. Par rapport aussi aux autorités, par rapport à la rétention de l'information, nous allons continuer avec les réunions de sensibilisation. Nous avons aussi un projet de mettre en place au niveau provincial une cellule de veille. Ça a été le résultat de la réunion qui a donné de bons résultats à Gitega. Par rapport... Et qui va s'occuper de quoi? Qui va s'occuper, ça sera une cellule au niveau provincial qui va réunir les chefs de service ou les responsables au niveau provincial, mais également aussi les journalistes qui travaillent dans cette localité pour qu'à chaque fois il y a un problème, qu'il y ait peut-être une communication plus douce, qu'il n'y a pas peut-être des problèmes où on peut avoir des difficultés avec les pouvoirs publics. Donc ça sera peut-être... une cellule qui est là pour harmoniser des points de vue par rapport à l'information aussi. C'est-à-dire, un journaliste, quand il est dans la cellule, il est difficile de ne pas avoir une information par rapport à ses services. C'est par rapport à la question qu'on a dit que s'il faut une solution, par exemple, à l'hôpital X, il ne faut pas venir chercher le porte-parole. Il faut chercher le directeur de l'hôpital. Et le directeur de l'hôpital se rend dans cette cellule. Dans cette cellule, on va faire une sensibilisation par rapport à pourquoi donner l'information aux journalistes. L'information qui est donnée aux journalistes, ce n'est pas pour le journaliste, c'est pour le public. Et là, vous êtes là aussi en tant que serviteur du public. Donc, c'est dans son sens pour améliorer les bonnes relations ou la collaboration entre les journalistes. Par rapport aux journalistes, qu'est-ce qu'on demande? On demande que les journalistes doivent nouer de bonnes relations avec les sources d'information. Ça, c'est peut-être une bonne chose qui pourrait les aider. Mais aussi, il faut développer le journalisme utile aux auditeurs et équilibré par rapport aux thématiques, mais aussi par rapport à la région. Donc, pour contourner la question des informations politiques qui vont jusqu'à 80%. Ou à 90%. Ça, c'est la fameuse question des moyens. C'est la fameuse question des moyens, mais aussi va trouver des solutions par rapport aux partenaires, parce que ce ne serait pas seulement un fonds pour le gouvernement, qui sera alimenté seulement par le gouvernement, mais par rapport aux autres partenaires financiers. On est en train de faire cette démarche et on a l'espoir que ça va être fonctionnel. Voilà, merci. C'est la fin de l'émission Mosaïque. Et dans Mosaïque d'aujourd'hui, Nous débattions autour de l'état des lieux de la liberté de la presse au Burundi et la responsabilité des journalistes dans leur travail quotidien à l'occasion de la journée panafricaine de l'information célébrée chaque année le 7 novembre. Au studio, nous étions avec trois invités. Nous remercions Jérôme Dicoulio, directeur général de la communication et des médias. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mosaïque. Merci, c'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à Leandre Sikuyavuga, vice-président de l'Observatoire de la presse au Burundi. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Nous étions aussi avec Madame Agnès Nindolela, présidente de l'Association des femmes journalistes du Burundi. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans Mosaïque. Merci à vous de nous avoir invités. Jérôme Nyonzima a assuré la réalisation. Séraphine Hakizimana était à la technique. Pacifique Chouvahiro qui animait Mosaïque d'aujourd'hui. Je vous souhaite de continuer de suivre les émissions de la radio Isanganiro. Mosaïque.